Es geht weiter mit unserer Botschaft Christus und seine Gemeinde. On va continuer avec notre message Jésus et son Église. Christ and his ministry. Christus und seine Gemeinde. Jésus avec son Église. This ministry is Christ's ministry. Diese Gemeinde ist die Gemeinde von Christus. Cette Église est l'Église de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus did not say, take care of yourself. Jesus hat nicht gesagt, gib Acht auf dich selbst. Jésus n'a jamais dit que de prendre soin de soi-même. Amen. He said, your father is to take care of you. Not you taking care of yourself. Dein Vater soll auf dich Acht geben und nicht du selbst gibst auf dich Acht. Jésus disait que c'est ton père qui va prendre soin de toi et pas toi de toi-même. Amen. Amen. You know, like my baby here, Sarah, she cannot take care of herself. Wie mein Baby Sarah hier, sie kann nicht auf sich selbst aufpassen. Isaiah. Comme notre bébé ici, Sarah et Isaiah, ils sont pas capables de prendre soin de eux-mêmes. She cannot pay any house rent. Sie kann keine Miete zahlen. Is somebody getting it? Ils sont pas capables de payer les loyers. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But somebody pay the house rent. Aber jemand zahlt die Miete. Mais but not Seraya. Mais il y a quelqu'un qui paye cette loyer, mais ce n'est pas Seraya. Amen. He did not tell you to take care of yourself. Er hat nicht gesagt, dass du selbst auf dich aufpassen sollst. Le Seigneur t'a jamais commandé de prendre soin de toi-même. Because it is the responsibility of your father to take care of you. Denn es liegt in der Verantwortung deines Vaters, auf dich aufzupassen. Amen. Car c'est la responsabilité du Seigneur de prendre soin de toi. Das ist das System von Christus. Christianity take care of themselves. Im Christentum geben Menschen auf sich selbst Acht. Dans la religion des chrétiens, ce sont les êtres humains qui prennent soin de eux-mêmes. Christ kingdom, Christ take care of the royal family. The king is responsible for the royal family. Aber im Königreich Gottes ist der König für die Sicherheit der Königsfamilie zuständig. Mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui prend soin de sa famille. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Christianity work hard to achieve victory. Das Christentum arbeitet hart, um Erfolge zu erlangen. Sie arbeiten hart. Dans la religion chrétienne, ils travaillent toujours, font toujours des efforts pour avoir le succès. In the kingdom, we work hard to believe the king. Aber im Königreich Gottes arbeiten wir hart daran, an den Herrn zu glauben und ihm zu vertrauen. Mais dans le royaume de Dieu, on travaille pour croire en Seigneur, pour croire à sa parole. Are you getting it? Praise the Lord. Again, the Bible never says to any one of us, to any of us, take care of yourself. Bibel sagt zu niemand von uns, pass auf dich auf. La Bible dit jamais qu'on doit prendre soin de nous-mêmes. Go to Philippians 2, please. Philippians 2. Philippians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 2, verse 3 and 4. Philippiens 2, 3 und 4. Philippiens 2, 3 et 4. He said, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let us esteem each other. Esteem other better than themselves. Verse 4. Look not every man on his own things. It is you don't. It's not about you. Es geht nicht um dich. It should never be about you. Es sollte niemals um dich gehen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einander den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Amen. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Who is going to pay my house rent? Who is going to feed me? Who is going to clothe me? He said, let every man on his... Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. There's another place we have to still go to, Romans 12. Wir sollen nicht auf unsere eigenen Sachen schauen. Wer zahlt meine Miete? Wer zahlt das? Wer zahlt das? Wer holt dies? Wer macht dies? Sondern auf das anderen schauen. On ne devait pas regarder sous notre propre qualité qui va payer mon loyer, qui va faire ça, ceci, cela. Mais on devait regarder à travers Jésus. Romains 12, 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. If we leave there, let us go to 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10, verse 24. Praise the Lord. 1 Corinthiens 10, 24. Verset 24. Let no man seek his own, but every man another's wealth. I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, que cherche aussi les intérêts des autres. Praise the Lord. He did not say, take care of yourself. Er hat nicht gesagt, dass wir auf uns acht geben sollen. Dieu n'a jamais dit qu'on devait prendre soin de nous-mêmes. He did not say, be there for yourself. Er hat nicht gesagt, be there for one another. Sei da für einander. Il a jamais dit, sois là pour toi-même, mais il a dit, sois là pour les autres. Is somebody getting it? Amen. His ministry is number one. Seine Gemeinde ist Nummer eins. Son église est numéro un. Because Christ and his ministry, they are one. Weil Christus und seine Gemeinde eins sind. Car l'église et Jésus-Christ, ils sont un. God's children are number two. Kinder Gottes sind an zweiter Stelle. Les enfants de Dieu sont dans la deuxième place. You are number three. Und du bist an dritter Stelle. Yourself. Et toi-même, tu es dans la troisième place. Amen. Amen. Again, Jesus never said, take care of yourself. Jesus hat nicht gesagt, pass auf dich auf. Jésus n'a jamais dit que tu dois prendre soin de toi-même. Just like he did not say, take care of your children. Genauso wie er auch nicht sagt, pass auf deine Kinder auf. La même chose comme il a dit de ne pas prendre soin de tes enfants. So also he never said husband take care of the family. Genau sagt er auch nicht, dass der Ehemann, der physische Ehemann auf die Familie acht geben soll. C'est la même chose qu'il dit que l'homme le mari doit pas prendre soin de sa famille. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you get this things, he did not say take care of yourself. Hat nicht gesagt, pass auf dich auf. Il a dit, ne prends soin de toi-même. Just like he never said, take care of your children. Du sollst auch nicht auf deine Kinder aufpassen. Et aussi de ne pas prendre soin de tes enfants. Then he did not say to the husband, take care of the family. Er sagt auch nicht zum Ehemann, pass auf deine Familie auf. Et le mari de ne pas prendre soin de sa famille. No flesh can walk. Weil kein Fleisch kann arbeiten. Car aucune chair est capable de travailler. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Le monde spirituel a le contrôle du monde physique. Parents taking care of children, they are natural, they are flesh. They can never walk. Dass Kinder, Eltern auf ihre Kinder aufpassen, das ist fleischlich, das kann nicht funktionieren. Que le parent prend soin de leurs enfants, c'est la chair et ça va jamais fonctionner. And that's why I time goes on. It might look like as if it's working at the beginning. As time goes on, well, you know, that child will bring gonna kill you. Look at what is happening everywhere today. Und am Anfang sieht es vielleicht so aus, als ob du alles unter Kontrolle hast, weil das Kind dir gehorcht, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo das Kind sich dann gegen dich wendet und im schlimmsten Fall sogar halt, also in einer der schlimmsten Fälle einen sogar umbringen kann, was Amok läuft. Und das sehen wir in der Welt heutzutage. Au début peut-être tu vas croire que tout se marche bien, que tu as éduqué ton enfant par la chair et que tu es en contrôle, mais quand le temps va passer, l'enfant va grandir, l'enfant sera même capable à te comporter à travers toi, à rebeller contre toi. Et dans le monde, on voit aussi qu'il y a certains enfants qui sont capables même à tuer leurs propres parents. Just like he did not create Adam to take care of himself. Er hat Adam nicht erschaffen, damit er auf sich selbst aufpasst. Comme si aussi il n'a pas créé Adam pour prendre soin de lui-même. You know, if you even see it, when Adam, when their eyes were open, they found out they were naked. And they saw something, leaf to cover their body. And you know, at the end, the Lord removed that leaf. And took animal, kill it, and used the cover to cover them. He is in charge to, are you getting it? Amen. He never created man to take care of himself. Und als Adam und Eva halt Gott missachtet haben, haben sie erkannt, dass sie nackt waren und haben sich deswegen aus Feigenblättern Schürze gemacht, um sich zu abzudecken. Aber Gott hat das gesehen und hat es dann weggemacht und ihnen richtige Felle gegeben, um sie zu bedecken. Dass er sie selbst in ihrem Ungehorsam versorgt hat, für sie da war, weil er ihr Versorger ist und nicht sie selbst sich versorgen sollen. Quand Adam et Ève ont remarqué qu'ils ont péché, ils ont essayé de se, parce qu'ils étaient nus, ils ont essayé de se couvrir avec des feuilles, mais ça n'a pas marché. Et Dieu même, il a utilisé la peau d'un animal pour le couvrir. He said that the natural parents should bring the children to him. Er sagt, die natürlichen Eltern sollen ihre Kinder zum Herrn bringen. Le Dieu dit que le parent naturel devait amener leurs enfants à travers lui. He will take care of the children. Er wird auf die Kinder aufpassen. Et lui-même va prendre soin de ses enfants. No one can do the work of the spirit. Niemand kann das Werk des Geistes tun. Das Fleisch wird es nicht schaffen. Le chair et personne n'est capable à faire le travail du esprit. If you like it or not, the spiritual world controls the physical world. Ob dir das passt oder nicht, die geistliche Welt kontrolliert die physische. Si tu l'acceptes ou pas, mais tu dois savoir que le monde spirituel est plus fort que le monde physique. Christ is spirit. Christus ist Geist. Le Christ est esprit. He said, bring the children to me so that the spirit can take care of them. Amen. Er sagt, bring die Kinder zu mir, damit der Geist für sie sorgt. Il dit, amène les enfants chez moi, comme ça l'esprit est capable à prendre soin de ses enfants. I don't know if somebody's getting it. The flesh can see nothing. Das Fleisch kann nicht sehen. La chair ne voit rien. The spirit already knows what is coming in the future. Der 10 years, 20 years. Geist come. Weiß schon, was auf diese Kinder zukommen wird. Und kann diese Kinder für diese Zukunft vorbereiten. Amen. L'esprit voit déjà qu'est-ce qui va venir en avenir dans la future. C'est pour ça qu'il est capable de prendre soin des enfants. Christ is spirit. Christus ist Geist. Christ est l'esprit. Satan is also a spirit. Und der Satan ist auch ein Geist. Le Satan aussi est un esprit. Amen. Amen. And that is why to destroy, he is more powerful than the flesh. Deswegen ist der Teufel auch kraftvoller als das Fleisch. Er kann das Fleisch, er kann vom Fleisch stehlen, töten und zerstören. C'est pour cela le Satan il est fort parce qu'il est esprit et il a le pouvoir de détruire le chair. If you see both Christ and Satan, the flesh is powerless before them. If you see Christ and Satan, wenn du Christus und den Satan siehst, the flesh is powerless before them. Das Fleisch ist kraftlos. Because they are both spirits. Weil sie beide Geist sind. Jesus Geist und Satan ist Geist. Si tu compares Jésus et le Satan, tu verras que la chair est impuissant à contraire de Jésus et le Satan. Amen. He said, parents, bring your children to me. I will take care of them. Er sagt, Eltern, bringt eure Kinder zu mir. Ich werde auf sie aufpassen. Amen. Il dit à les parents, amenez vos enfants chez moi. Comme ça, moi, je vais prendre soin de eux. How do you do that? Because you have to know how to do it. Du musst wissen, it's not about praying for them and blessing them. Nicht, indem du einfach nur für sie betest und sie segnest. Et comment tu les fais? Ce n'est pas seulement par prier et les bénir. Help them to know their true parents. Amen. That Hilf is Christ the Lord. Ihre wahrhaftigen Eltern zu kennen, dass die sein, ihre wahrhaftigen Eltern Christus sind. Aide tes enfants à connaître leurs vrais parents, que leurs vrais parents c'est le Seigneur Jésus-Christ. Help them to know that their only true friend is Christ. Hilf ihnen zu erkennen, dass ihr wahrhaftiger Freund Christus ist. Aide tes enfants à savoir que leur seul ami c'est Jésus-Christ. Their only true brothers and sisters is Christ alone. Dass sie ihre wahren Geschwister Christus sind. Que leurs frères et sœurs c'est Jésus Christ. Their neighbor is Christ. Ihr Nächster ist Christus. Que leur prochain c'est Jésus Christ. Build them up with Christ. Remind them of their father. Erbaue sie mit Christus. Erinnere sie an ihren Vater. Encourage-le en Christ. Construis-le ou bien éduque tes enfants en Christ pour toujours avoir le pensée à travers Jésus. Help them to know that Christ is their everything. Hilf ihnen zu erkennen, dass Christus ihr Ein und Alles ist. Amen. Aide tes enfants à savoir que Jésus-Christ est tout. Help them to know that it is in their focus should be Christ and not education. Dass ihr Fokus auf Christus liegt und nicht auf der Bildung. It's not pass your exam. Pass your, you must study. Dass wir denen nicht die ganze Zeit sagen, du musst lernen, du musst lernen, du musst lernen, du musst die Prüfung bestehen. Dass wir nicht dafür sorgen, dass diese Kinder die ganze Zeit darauf meditieren und nicht auf Christus. Aide tes enfants à avoir leur focalisation à travers Jésus et pas seulement à l'éducation. Tu dois étudier, tu dois être le meilleur. Non, c'est pas ça qui est le plus important. Aide their value, help them to know that their what they should value is Christ alone. Hilf ihnen zu erkennen, dass das, was sie wertschätzen sollen, nur Jesus Christus sein soll. And not education, nicht Bildung, and not things. Nicht materielle and Dinge. And not parents. And not Menschen. Friend, your brother, your is your brother. No, let them know, because it is only Christ that can help them. Nur Christus kann so even know that this is their brother. Um wirklich zu erfahren, wer wirklich ihr Bruder ist. Are you getting it? Aide tes enfants vraiment à savoir que Jésus Christ est les choses qu'ils doivent estimer et pas des choses naturelles, les frères, les sœurs, l'éducation, que ça soit. Die Liebe von Jesus Christus ist bedingungslos. Car l'amour de Jésus-Christ est inconditionnel. Help them to know, you know that. Help teach them that their desire is to desire Christ. Bring ihnen bei, dass Christ alone should be their desire. Dass ihr Wunsch Jesus Christus allein sein soll. Tu dois apprendre à tes enfants que leur désir doit être Jésus-Christ seul. He's not desiring to be a doctor in future. Desiring to be a cranky. You know this position. Nicht, dass ihr Wunsch ist, Arzt zu werden oder Sänger zu werden oder Sänger zu werden. Il n'est pas le désir d'être célèbre, d'être un docteur ou bien qui que ce soit. That's how you bring them to Christ. So bringst du sie zu Christus. C'est comme ça que tu la mènes à travers Jésus-Christ. Und er wird auf sie acht geben. Amen. Et lui, il va prendre soin. And the Holy Ghost is there to take care of them. Dann ist der Heilige Geist da, um auf sie acht zu geben. Everything for them is for Christ's sake. Weil alles für sie um Christus willen. Car c'est le Saint-Esprit qui va les aider à rester en travers Jésus parce Stop que c'est lui qui va la prendre. Training them with education. Hör auf sie mit You're paying the natural parents. Mit Bildung auszubilden. Arrêtez d'éduquer votre enfants d'avoir leur focalisation à travers les études. It's not love your natural, then love the flesh, but love Jesus. Ils doivent nicht das Fleisch lieben, sondern Jesus lieben. Ils devraient apprendre d'aimer Jésus et pas la chair. It's not love me as my mother. I'm your mother. You must love me. Und nicht, ich bin deine Mutter, du bist aus mir rausgekommen, du musst mich lieben, du musst mich ehren. Nicht das auf das Fleisch beziehen, sondern auf Christus allein. Et pas, je suis ta mère, je t'ai accouché, et tu dois m'aimer plus que tous les autres choses. Non, c'est Jésus seul. You must love your brothers and sisters. Du musst deine Geschwister lieben. That is evil. Das ist evil. Das bösartige Liebe. Tu es obligé d'aimer tes frères et sœurs, ça c'est la chair. Praise the Lord. Amen. It is, you must love Jesus. Du musst Jesus lieben. Si tu dois aimer Jésus. Du darfst Jesus lieben. Praise the Lord. Amen. Help them. You know, bring them to Christ. Bring sie zu Christus. Amen, tes enfants chez Jésus. Help them to come to Jesus, to know him. Zu Jesus zu kommen. As their only. Als ihren einzigen. Aide tes enfants à venir chez Jésus, à avoir la relation avec Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Then I see how the Holy Spirit will work in their life. Und schau, wie der Heilige Geist in ihrem Leben arbeiten wird. Et tu verras comment le Saint-Esprit va travailler dans leur vie. You don't need to preach education. Du brauchst dann keine Bildung. Then we go. Then we look. I never tell Mercy to go to university. I'm not after that. For me, it's just bring her to Christ, Amen. And Christ do the job. Und du musst den Leuten, den Kindern dann nicht sagen, sie sollen studieren oder Abi machen oder sonstiges. Der Heilige Geist wird zu diesen Kindern selber reden und sie dorthin führen, wo sie sein sollen. Et ensuite, tu n'as pas besoin de lui parler de l'éducation ou des études, parce que le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit il est là, il va aussi lui aider dans cette situation. Praise the Lord. And it will take a heavy load out of you. Und es wird dir auch die Last als Elternteil wegnehmen, auf jeden Fall. Et si tu laisses tes enfants chez Jésus, ça va te prendre les charges, ça va te prendre le poids. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If you see the fear of parents today, the heavy fear of parents, because of what is happening everywhere. Wenn du dir die Angst und die Sorge und die Panik in Eltern vorstellst, weil so viele Dinge passieren oder passieren könnten, das ist echt schlimm. Aujourd'hui, si on voit dans le monde comment les parents ils ont de la peur ou bien de soucis à travers leurs enfants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vraiment horrible. If you help them to know that their father is Christ, you will be resting. Wenn du ihnen hilfst, zu erkennen, dass ihr Vater Jesus ist, dich ausruhen können. Si tu l'aides à connaître ou bien savoir que Jésus est leur parent, toi-même tu seras dans la paix. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Daddy. I'm helping them to know Christ. You are preparing them for their inheritance. Ihnen zu helfen, Christus zu erkennen, da bereitest du sie vor für ihr Erbe. Und dieses Erbe ist nicht in Besitz oder in Geld zu messen, es ist ein anderes Erbe. Et de l'aider à connaître Jésus, ça le prépare pour leur héritage dans le royaume de Dieu, que ce n'est pas un héritage qui est comparable à l'argent. For them to know Christ is bigger than any house. Having any house, any car, any Christus ist größer als jedes Haus, jedes Geld, jedes alles. Et de connaître Jésus, c'est plus grand qu'un maison, un voiture ou bien qui ça soit. Then that of the family. Husband. Familie. He said, husband bring the family to him. Der Ehemann soll die Familie zu ihm bringen. Le mari doit amener sa famille chez Dieu. He said he will take care of the family, including you yourself. Amen. The Lord is a common thing. Er wird auf die Familie aufpassen und auf dich aufpassen. Dieu même va prendre soin de la famille et aussi de toi. Amen. Amen. How are you going to bring the family to Christ? Wie kannst du die Familie zu Christus bringen? Comment tu peux amener la famille chez Dieu? Help the family to know that it is all about Christ. Hilf der Familie zu wissen, dass es um Christus geht und nicht um dich. Als der Vater des Hauses. Aide la famille de savoir que ça s'agit de Jésus-Christ et pas de toi que tu es le responsabilité de la maison. Help the family to know that Christ is the head of the family and not you. Lass zu, dass die Kinder verstehen, let them know that. Dass Christus der Kopf der Familie ist und nicht du. Laisse la famille savoir que c'est Jésus-Christ qui est la tête de la famille et pas toi comme homme. Let the family say to the family always, have it in mind and say to them, repeating and repeating that Christ is the breadwinner of the family and not you. Are you getting it? Aide la famille de savoir toujours à répéter que ce n'est pas le mari qui est la tête de la maison, mais c'est Jésus-Christ. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You better allow him to be Christ. Lass lieber zu, dass Christus wird. Of everything. Dass er die Quelle von allem ist. Il faut vraiment laisser que Jésus-Christ soit la source de tout. The breadwinner must be Christ, der, and not man. Kopf der Familie, take der your body, take yourself away from death. If not, you program yourself. You program yourself for Satan to still kill and destroy. Weil sonst sorgen wir dafür, dass der dass wir zu einer, dass unsere Familie, dass wir selber zu einer Zielscheibe des Teufels werden für Zerstörung und für Tod und für Raub. Si on ne laisse pas Jésus-Christ être la tête de notre famille, on va ouvrir la porte de Satan pour détruire la famille. Reject that position as breadwinner, I'm telling you. Let it go to the owner. Yes, Satan, who defeated Satan? Guys, because Satan go after the breadwinner. Lass zu, dass dieser Thron dem gebührt, dem es immer gebührt, und das ist Jesus alleine, weil der Teufel geht immer an den Kopf einer Sache, weil er weiß, wenn er den Kopf wegnimmt, ist dieser Körper tot. Und deswegen muss der Kopf der Familie Jesus sein. Il faut vraiment rejeter cette pensée ou bien cette idéologie que tu es la tête, comme Marie, que tu es la tête de la famille, parce que les satans vont avoir facilement la possibilité de te détruire, parce que les satans, il va toujours à travers de la tête. Alors c'est très important de laisser que la tête de la famille, la responsable, qui est responsable, que ce soit Jésus-Christ seul, parce que le satan ne peut pas battre Jésus. Submit the family to Christ. Übergebe die Familie Christus, weil die Familie ist nicht dein Besitz, es ist der Besitz des Herrn. Amen. Donne la famille en Jésus, parce que la famille, c'est la famille de Jésus. If you see it as your property, it means it is the property of Satan. Wenn du diese Familie als dein Besitz nimmst, dann ist es der Besitz des Teufels. Et si tu vois la famille comme ta possession, il faut savoir que le Satan, que c'est la possession du Satan, parce que la famille doit être la possession de Jésus. If you see yourself as a breadwinner of the family, it means Satan is the breadwinner. Wenn du dich selbst als der Brotverdiener der Familie siehst, ist der Teufel der Brotverdiener der Familie. Si tu vois, si toi-même tu te vois comme la tête de famille, c'est le Satan qui est la tête de famille. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's a whole women are even. The woman is even the breadwinner. Es gibt auch Familien, da ist auch die Frau der Brotverdiener, weil sie am meisten verdient oder weil sie die einzige Person ist, die arbeitet in der Familie. Dans certaines familles, c'est même la femme qui est la personne qui amène l'argent à la maison. Man or woman should never be the breadwinner of the family. Der Mann oder die Frau soll nicht Brotverdiener der Familie sein. Christus ist der Kopf der Familie. Le mari ou bien la femme ne devait jamais être la tête de la famille. Laisse que Jésus soit la tête de la famille. Deuteronomy said he gave you power to get that wealth. That power is coming from him. Er gab dir Kraft, um diesen Reichtum zu erlangen, und diese Kraft kommt von ihm allein. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que le Seigneur t'a donné le pouvoir pour diese Kraft kommt von ihm und er hat dir die Kraft gegeben, das zu erlangen. Et que le pouvoir ou bien la puissance vient du Seigneur et que le Seigneur t'a donné cette puissance oui, pour diriger. Turn everything to Christ alone. Give everything to him. Übergebe alles Jesus Christus. C'est pour cela c'est important que cette puissance que Dieu t'a donnée, de le redonner en Jésus-Christ pour qu'il t'aide à diriger. The source of everything. Be die Quelle von allem sollte Jesus Christus sein. La source de tout devait être Jésus-Christ. You know, Satan wants to destroy somebody. You always go to the source. Wenn der Teufel etwas zerstören will, geht er immer zur Quelle. Si le Satan veut détruire quelque chose, il va toujours à la source. He always go to the root. Er geht immer zur Wurzel. Il va toujours à la racine. He always go to the head. Er geht immer zu dem Kopf. Il va toujours à la tête. He always go to the breadwinner. Er geht immer zu dem Brotverdiener. Il va toujours à travers la personne qui amène l'argent. You know, once that is done, it's over. Weil er weiß, wenn wenn diese Person weg ist, ist es vorbei mit dieser Familie. Car il sait si cette personne, il est plus là, là c'est fini avec la famille. So Jesus never said, take care of yourself. Jesus sagt niemals, gib auf dich selbst acht. Jésus alors dit jamais que tu dois prendre soin de toi-même. Allow him to take care of you. Lass zu, dass er auf dich acht gibt. Laisse Jésus prendre soin de toi. He knows your house rent more than you know your house rent. Kennt deine Miete mehr als du sie kennst. I have to pay my house rent. Jésus lui-même, il connaît ton loyer. Et il sait combien tu dois payer. He knows that that house rent will be paid. Der Herr weiß, dass diese Miete gezahlt wird. Le Seigneur, il sait que tu dois payer le loyer. No, Sarah will never say I want to pay her any house rent. Sarah würde niemals sagen, ich will die Miete mitbezahlen. Notre bébé Sarah, il dirait jamais qu'il devait payer le loyer. No wonder he said, until you are converted and not like that. Kein Wunder, dass er sagt, erst wenn wir when you see him as the one that is everything. Wenn wir so umgewandelt werden, zu sein sind wie Kinder und sich dann auf ihn allein ausruhen, dann gehört uns das Himmelreich. C'est pour cela que Jésus l'a dit, seulement quand on est comme des enfants, c'est là que le royaume de Dieu apparaît en nous. He knows you will wear clothes and eat. Der Herr weiß, dass du Kleidung anziehen wirst. He came here yesterday. Le Seigneur, il sait que tu dois porter des habits, que tu dois manger. Er war selber hier. Er weiß, was notwendig ist hier auf Erden. Lui-même était ici. Il sait ce qui est. Il connaît notre besoin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 6. We quickly read from verse 24. Matthieu 6. He said, no man can serve two masters. Matthieu 6, 24. You can never be day and night. Du kannst nicht zwei Herren dienen. At the same time. Du kannst nicht zum Tag und zur Nacht light at the same time. Finsternis und Licht zur gleichen Zeit sein. Tu peux pas servir en même temps Dieu et l'argent. Tu peux pas être en même temps lumière et l'obstacle. Amen. Obscurité. No man can serve two masters. Niemand kann zwei For haben. Either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Verse 25. Therefore, 25. I say unto you, take no thought for your life. Matthieu 6, verset 25. You see what Jesus is saying. Seht ihr, was Jesus hier sagt? He said, don't be worried about your life. Macht euch keine Sorge über euer Leben. Just like our baby Seraya will not be worried. Dans verset 25, il est écrit que vous n'inquiétiez pas, on vous demandait, qu'on ne devait pas avoir des soucis ou bien des enquêtes. Amen. Amen. Therefore, I say unto you, take no thought for your life. What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Daddy, you know we are so worried about. Okay, so I do that. What about me? Wenn ich das mache, was dann mit mir? Wo sind dann meine? In the natural world, yes. If you do that, what about you? But in Christ's world. You have somebody that take care of you. On a tellement des enquêtes qu'on s'est fait des soucis, mais dans la royaume de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui prend soin de toi. Ja, in der natürlichen Welt solltest du dir um dich selbst Sorgen machen, weil wenn du auf andere achtest, wer wird dann auf dich achten? Aber in Christus wissen wir, dass der Herr auf uns achtet. He's not the life more than meat, and the body than raiment. Behold the fowls of the air. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Amen. Are you not much better than them? Are you getting it? Amen. The best, we believe the best are better than us. We love the best more than us. You can feel the best, but you cannot feed us. Dass die Vögel sogar mehr wert sind als wir, dass er kann die Vögel versorgen, aber uns kann er nicht versorgen. On croit souvent que les oiseaux sont plus important que nous et que notre Père n'est pas capable à nous nourrir, mais c'est le contraire. He said, which of you, by taking thought, can add one cubit into his stature? Verse 27, verse 28. Verset 27. And why take ye thought for raiment. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Praise the Lord. Amen. Amen. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, they will not go to heaven. If you can take care of something that is today and today, tomorrow is just destroyed. What about you that is preparing to be with him? Was heute da ist und morgen wieder weg, wie viel mehr kann er auf dich aufpassen, der die Ewigkeit mit ihm dort verbringen wird? S'il peut prendre soin des plantes qui aujourd'hui sont là et demain ils sont plus là, de plus que peut prendre soin de toi, de quelqu'un qui va rester en éternité avec lui. He said, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith shall we clothe? For after all these things do the Gentiles seek, and we are seeking them today. What shall we eat, what shall we drink? How do I pay my house rent? Verset 31, ne vous inquiétez donc pas en les disant, que mangerons-nous ou bien que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Alors on ne devait pas se faire trop de soucis. He said, for after all this do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Praise the Lord. Verset 32, toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. A baby does not know winter, summer. And baby but can the father, the mother know that there's a winter, summer, you need clothes. Kennen die Jahreszeiten, wissen, was für Versorgung gebraucht wird für die Jahreszeit. Un bébé ne connaît pas l'hiver ou bien l'été, mais le parent, ils savent quand il y a l'hiver ou bien il y a l'été qui devait acheter des habits pour l'enfant. C'est ça que Jésus veut dire dans cette verset, qu'on ne devait pas s'inquiéter. Verset 33. But seek ye first the kingdom of God. Be there for me. Take care of my house. Soyez là pour moi. Be there for one another. Soyez là pour les uns les autres. Are you getting it? And his righteousness and all these things will pursue you and overtake you. They will seek you. Dann wird das alles auf dich suchen. Don't seek them, but seek me. Et toutes ces choses là, ça va. Ça va venir. Ça va te poursuivre. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 34, it says, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Praise the Lord. Verset 34, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Here he said that he himself is to take care of you. Hier sagt er, dass er selbst auf dich aufpassen soll und nicht du. Jésus nous dit ici que lui-même va prendre soin de toi et pas toi-même. You know, in Mark 10, Markus 10, verse 28 to 31. 28 bis 31. Jesus was talking about his ministry. Dans le chapitre de Marc, Jésus parlait de son église. Hat Jesus über seine Gemeinde gesprochen? Marc 10. Markus 10. Mark 10. From verse 28. 28. Barbara will help us to read 28. Jenny will help us, not Jennifer, but Jenny will help us to read 29. And you will help, yeah. Ralph will help us to read 30 and 31. Marc 10, 28 jusqu'à 30. 31. Aber vom Lohn der Nachfolger. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgung und in der zukünftigen Welt ein ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden die Letzte sein und die Letzten Erste. Alors Pierre lui dit, nous nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, les recevra 100 fois plus à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Praise the Lord. Amen. Then Peter began to say unto him, Lord, we left all and I followed thee. We left everything. Wir haben alles zurückgelassen. We don't have anything. On a tout quitté, Seigneur. Except you. Nur noch dich, Jesus. Il n'y a que toi qui restais. You want to say something? Let me quickly say something. Which means Jesus is not angry when you leave your father, or you leave your mother, or you when you leave your friends for his own sake. He does not see anything wrong in it. Das bedeutet, dass wenn du Vater, Mutter verlässt, Freunde verlässt, um Jesus willen, ist Jesus nicht sauer deswegen. Cela veut dire alors que Jésus n'est pas fâché contre toi si tu quittes ta famille ou bien tes amis à cause de lui. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Peter said we left all, mother, father, everything. We left everything. Pierre a dit, on a tout quitté, Seigneur, notre famille, notre amis, tous les choses. Wir haben alles verlassen. He did not say evil. Er hat gesagt, das ist bösartig. Et Jésus n'a pas répondu que c'est mauvais. Oder er sagt, es war sehr gut. Il a dit que c'était très bien. Then why don't we believe what Jesus? Accept what he called very good. Wieso akzeptieren wir dann nicht das, was Jesus gut nennt? Et pourquoi on n'accepte pas ce que Jésus appelle bien? No religion will agree with that today. Yeah. Aber keine Religion würde damit einverstanden sein. Mais aucune religion acceptera ce qui est écrit ici. About what we help us to read verse 29. 29. 29. Es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangelium zu bringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. You know, Peter said we left all. Petrus hat ihm alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Pierre a dit qu'ils ont tout quitté et pour lui suivre. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel. Amen. You still want to say something? Because I'm still seeing your Bible. Yeah, emphasis. Jesus is not against you leaving your father, your mother, or whatever. Jesus ist nicht dagegen, dass du deinen Vater und deine Mutter verlässt. Jésus n'est pas contre de quitter tes parents ou bien ta famille. He will support you if you do it for his sake and for the ministry. Amen. Er wird dich unterstützen, wenn du es um seinetwillen und wegen der Gemeinde machst. Il va te supporter si tu le fais à cause de lui et à cause de l'église. He will not support you if you left it because you are pursuing a man or a woman. Er wird dich nicht dabei unterstützen, wenn du das verlässt wegen einem Mann oder einer Frau oder das Fleisch suchst. Il va pas te supporter si tu as quitté ta famille à cause de la chair ou bien à cause d'une femme ou bien un homme. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for my sake and the gospel. Um meinen Willen, des Evangeliums willen. Seulement à cause de lui et à cause de l'évangile. His ministry is about his gospel. Seine Gemeinde ist wegen seinem Evangelium. Son église est à cause de ses Evangelium. à cause de la bonne nouvelle. Grace Idahosa Ministry is Christ's ministry. Die Gemeinde von Grace Idahosa Ministry ist die Gemeinde von Christus. L'église de Grace Idahosa, c'est l'église de Jésus-Christ. Christ's ministry is all about Christ's gospel. Die Gemeinde von Christus über das Evangelium von Christus. L'église de Jésus-Christ s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. You cannot separate his gospel from his ministry. Du kannst sein Evangelium nicht von seiner Gemeinde trennen und seine Gemeinde nicht vom Evangelium trennen. Tu peux pas séparer son évangile de l'église. Praise the Lord. Hallelujah. This ministry is Christ's gospel. Diese Gemeinde ist das Evangelium von Christus. Cette église est l'évangile de Jésus-Christ. The Bible talks about the gospel of Christ. Die Bibel spricht über das Evangelium von Christus. La Bible parle de l'évangile de Jésus-Christ. Because there are other gospels. Weil es gibt verschiedene Evangelien. Car il y a beaucoup d'évangiles différents. There's a difference between religious gospel and Christ's gospel. Es gibt einen Unterschied zwischen einem religiösen Evangelium und das Evangelium von Jesus Christus. Il y a un différent entre l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile religieux. Galates 1. Galates 1. You know, Jesus said, bravo, if you can leave everything for my sake. Very good. Jesus sagt, bravo, wenn du alles um meine Willen verlassen kannst. Jésus dit bravo, si tu peux quitter tout à cause de moi. You know, those that love flesh, those that love the natural family, we don't like that. Aber die Menschen, die we love Fleisch lieben und die natürliche Familie lieben, wird das nicht gefallen. Es wird ein Dorn im Auge sein. Aber die Christus lieben, die sehen sich danach, alles für Christus hinter sich zu lassen. Ceux qui aiment leur famille mondiale ou bien leur famille dans la chair, ils vont pas aimer cet message. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu et qui sont dans l'esprit, ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire. Christ's gospel is not the same as religious gospel. Das Evangelium von Christus ist nicht gleich ein religiöses Evangelium. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas la même comme l'évangile religieux. Galates 1. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Another gospel. Ein anderes Evangelium. Different from the gospel of Christ. Un autre évangile, Galates 1, 6. You see it? Yeah. Amen. Which is not another, but there be some that trouble you and who pervert the gospel of Christ. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Verset 7. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Praise the Lord. Hallelujah. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we preach unto you, let him be accursed. Are you getting it? Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Verset 8. Eh bien, si quelqu'un même, nous-mêmes, un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. You know, if you preach the gospel of Moses, it's evil gospel. Das Evangelium von Moses ist ein bösartiges Evangelium. L'évangile de Moïse, c'est un évangile mauvais. Are you getting it? It's only the gospel of Christ. Nur das Evangelium von Christus. C'est mon l'évangile de Christ et l'évangile de la grâce. Das Evangelium der Gnade. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Praise the Lord. Hallelujah. Another gospel that is not of Christ. You are under a curse. Un autre évangile qui n'est pas de Jésus. You are those that. On n'est pas en dessous de Jésus-Christ. Job a listened to it and Job that is preaching it. You are under a curse. Du, der das predigt und die Person, die das hört und empfängt, ist dann verflucht. Et toi qui donne ton oreille à cet évangile qui est différent, tu es dans la malédiction. Weil du hörst es, du glaubst es und gehst dann, wandelst dann danach. Car tu l'écoutes, tu le crois, après tu vas commencer à vivre selon ces paroles, selon cet évangile qui est mauvais. Evil gospel. Ein bösartiges Evangelium. C'est un évangile mauvais. He said, for do I not persuade me, O God, or do I seek to please me? We don't seek to please any father or mother. Wir suchen nicht danach, einem Vater oder einer Mutter zu gefallen, sondern Christus alleine. Amen. On ne cherche pas de plaire notre mère ou bien notre père. On cherche de plaire Jésus-Christ seul. And that's why we don't care what father and mother say. What we care about is what Christ says. Deswegen ist es egal, was Vater und Mutter sagen. Für uns zählt nur die Meinung von Jesus. C'est pour cela ce qui compte pour nous, c'est ce que Jésus dit et pas ce que notre père ou notre mère disent. Look at the writer of Galatians, Paul, is talking here. He said, for do I now persuade me, or God? Or do I seek to please me? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Praise the Lord. Verset 10. En que pensez-vous maintenant? Et c'est la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. You know, a lot of us, some of us want to please our father, our mother, that never listen to Christ. Wollen unseren Eltern gefallen, die aber Christus nicht zuhören. Sie hören nicht Christus zu. Certains de nous cherchent à plaire notre parent, mais jamais ils obéissent le Seigneur. They will say they are God's children, but they hate the truth. Sie sagen, sie sind Gottes, aber sie hassen die Wahrheit und hassen die Menschen, die die Wahrheit predigen. Ils vont dire, ils sont des enfants de Dieu, mais ils sont contre la vérité, ils sont contre la parole de Dieu. You know, religious people, they are so religious. Les hommes religieux sont tellement religieux. That's why Jesus warned them. Deswegen hat Jesus because they can never gesagt, weh diesen Leuten, weil sie nicht Buße tun. He warned them. They already warned. C'est pour cela Jésus-Christ leur mit en garde, était contre eux. I'm so sorry that these people might be your father, your mother, your brothers and sisters. Und ich finde es so traurig, dass diese Leute vielleicht unsere Vater, Mutter, Geschwister sind. Et c'est triste que certains de ces gens religieux sont notre père, notre ami ou notre frère et sœur. But Jesus warned them. Aber Jesus hat sie ermahnt. Mais Jésus leur mit en garde. You know why? Because those that believe they are sinners, they will repent, but they will never repent. Weil die Menschen, die glauben, dass sie Sünder sind, werden sich demütigen und Buße tun. Aber Menschen, die glauben, dass sie immer Recht haben, werden auf ihrem Recht beharren und keine Buße tun. Parce que ces gens, ce sont des gens qui sont soumis pas à Dieu et qui ne croient pas qu'ils sont des pécheurs. Et c'est pour cela que c'est difficile pour eux à se soumettre en Dieu. Et ça, c'est une malédiction. Like the Pharisees. Wie die Pharisäer. They are still everywhere today. Sind immer noch überall. Comme des Pharisiens. Our brothers and sisters. Unsere Geschwister, our Freunde. They will say they are born again. But I do really born again. They never accept their... Sie sind wiedergeboren. Sie sagen, dass sie wiedergeboren sind. Aber sie geben nicht zu, dass sie wiedergeboren werden. Jesus. Oui, les pharisiens sont aussi dans notre parent, bien dans notre frère et soeur charnel, parce que ils vont jamais repentir ou bien ils vont jamais dire qu'ils ont fait des fautes. Alors c'est pour cela qu'ils ont besoin d'être nés de nouveau. But I satisfy you, verse 11. Brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Amen. This gospel, the gospel in this ministry is not after man. Das Evangelium dieser Gemeinde ist von Menschen. Amen. Verset 11. Mensch, sondern Christus. Amen. L'évangile qui est prêché ici, ce n'est pas des hommes, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché ici. He said, for I neither receive it of man, Neither was I taught it. You know, it's just like me. It was up by me. Amen. C'est comme chez moi. You know, and people, they go to Bible school. That's again, you know, Bible school, they call it. Il y a certains gens qui vont dans l'école biblique. They go there. They, you know, they go to Bible University. Paul said, I never received it from my, I was not in Bible University. Er war nicht in einer Bibelschule, sagte er damit. Paul veut dire ici qu'il n'était jamais dans une école biblique. You know, here in Europe, if you say you are a pastor, they say, which university did you go to? Hier in Europa, wenn du sagst, du bist ein Pastor, sagt man, ah krass, wo hast du studiert? Ici en Europe, si tu dis que tu es un pasteur, ils vont te demander, tu as fait tes études dans quelle université? For them, everything is evil. Flesh. Ist alles fleischlich. Pour ces gens-là, tout est charnel. He said, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Verset 12. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Praise the Lord. Amen. Then he now explain how he, you know, how he received the revelation. Erklärt jetzt, wie er die Offenbarung empfangen hat. Et ici, il est en train d'expliquer comment il a reçu les révélations. Look at it from verse 13. 13. He said, for you have heard of my conversation in past, in time past, in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God. I wasted it. I profited in the Jewish religion above many, my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace. By his grace and not by work. Durch seine Gnade und nicht durch Werke. Par sa grâce et pas par des œuvres. Verset 15. He verse 16. 16. To reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Are you getting it? I did not go to flesh and blood. Ich ging nicht zu Fleisch because und Blut. I know flesh and blood profits. Denn ich weiß, Fleisch und Blut kann nicht bringen. Je ne suis pas allé à travers la chair parce que je sais que la chair n'importe rien. Amen. He said, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles. You know, he was not even apostle. He was not one of Jesus Christ's disciples. Er war nicht mal einer der Jünger von Jesus. Il n'était même pas un apôtre de Jésus. You know, I'm not one of the pastors that they know that is so popular today. Ich bin nicht einer der Pastoren, die überall bekannt sind. Niemand kennt mich. Et moi-même, je ne suis pas un pasteur qui est connu, mais j'ai le nom de Jésus-Christ et ça me satisfait. Aber ich trage den Namen von Jesus und ich bin zufrieden damit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, the man, if they even count 1 million pastors, I will not be even one of them. Wenn man Millionen Pastoren auflistet. Wäre ich nicht dabei, aber wen interessiert das? Et si même il devrait faire une liste de tous les pasteurs ici dans l'Europe, je sais que je ne serai pas un de ces pasteurs, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est Jésus-Christ qui est le plus important. Amen. Remember 400 prophets. Erinnert euch an die 400 Propheten. They were all of lying spirits. Die alle von Only one was die alle von dem Lügengeist befallen worden sind. Und nur einer hat die Wahrheit gesprochen. Si vous vous rappelez des 400 prophètes dans l'Ancien Testament, tous ces prophètes, ils avaient un esprit des messons. J'avais seulement une seule de ces prophètes qui avait la vérité. He said, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem. 3 years. To see Peter and abode with him 15 days. But others of the apostles saw I not, save James, the Lord's brother. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterward I came into the region of Syria and Sicilia. 22. I was unknown by by faith unto the churches of Judea, which were in Christ. But they had heard only that he which persecuted us is in time past now preached this faith, which once he destroyed. And they glorify God in me. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, the power of revelation. Die Kraft der Offenbarung. La puissance de révélation. Praise the Lord. Hallelujah. Paul was not one of Jesus' disciples. Paulus war nicht einer der Jünger von Jesus. Paul n'apparaît pas d'un des apôtres de Jésus. He did not know Jesus in the flesh. Er kannte Jesus im Fleisch nicht. Il connaissait pas Jésus physiquement. No, nothing about Jesus Christ. Er kannte nichts von Jesus. Il connaissait rien de Jésus. Praise the Lord. Alleluia. Can you see the power of revelation? Seht ihr die Kraft der Offenbarung? Est-ce que vous voyez la puissance de révélation? I don't know if somebody is getting it. Mm-hmm. You know, Jesus' disciples, they knew Jesus physically. Die Jünger von Jesus kannten Jesus physisch. Paulus kannte Jesus nicht physisch. Les apôtres, ils connaissaient Jésus physiquement, mais Paul ne connaissait pas. Everything Paul, you know, what he knew and wrote about there came as a revelation. Alles, was er wusste, was er geschrieben hat, kam als Offenbarung. Tout ce que Paul il a écrit, tout ça, c'était des révélations. Vers 12, amen. Is there amen? That's Galatians 1, verse 12. In Galatians 1, verse 12, lesen wir das. C'est écrit dans Galates 1, verset 12. Let me quickly just explain a little bit of revelation. Ich erkläre ein paar Sachen zum Thema Offenbarung. Because revelation is a big topic. Laissez-moi, let's go through it a little bit. Laissez-moi expliquer un peu selon le sujet des révélations. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible is a mystery book. Die Bibel ist ein verborgenes Buch. Et la Bible, c'est une, oui, c'est un livre en mystère, c'est un livre du secret. Everything in the Bible, they are written in parables. Also, die Bibel ist in Gleichnissen geschrieben. Tout ce qui est écrit dans les Bibles, ce sont des paraboles. In Mark 4, if you, let's go to Mark 4. Let us see what Mark Jesus said. Mark 4. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Mark 4, from verse 9. Marcus 4, 9. Verset 9. His, and he said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. Everybody have ears. Jeder von uns hat Ohren. Jésus dit ici que c'est lui qui a des oreilles pour attendre et qu'il attend. Et nous tous, on a des oreilles. Amen. Amen. But there is the, you know, the Lord is talking about the supernatural ears. That we used to hear Christ. Mais Jésus, mais Jésus parle ici des oreilles surnaturelles, les oreilles qui sont capables d'attendre ce qui vient d'esprit. Like we have the supernatural eyes to see. You know that man? He said Elijah prayed for the servant and the servant's eyes were opened. Elijah, are you getting it? That is the supernatural eyes we are open. So also we have supernatural ears. C'est la même chose avec notre yeux qui sont surnaturels. Denn die natürlichen Ohren können ihr nicht hören, die natürlichen Augen können ihr nicht erkennen. Car les yeux naturels ou bien les oreilles naturelles sont pas capables d'entendre Jésus. It is to be like thunder in his ears. It's natural ears. Kling wie Donner in Ohren. Ça va s'attendre comme comme les tonnerres, Donna. Les tonnerres. Praise the Lord. Then verse 10, and when he was alone, they that were about him, with the 12, asked of him the parables, and he said unto them, Elf. Unto yes. you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Mm-hmm. Christ's kingdom is a mystery. Das Königreich von Christus ist ein Geheimnis. Verset 11, le royaume de Dieu, c'est un secret. Are you getting it? Mm-hmm. But unto them that are without. All these things are done in parables. Mm-hmm. Oh, Daddy. Until you submit to Christ, you are not even there. Also, you cannot get it. Hingeben, demütigen vor Christus, kann man das empfangen. Seulement si on s'est on s'est humilié à travers Jésus, on est capable à comprendre ces paraboles. He said that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. Lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven. Praise the Lord. Their eyes are open, but they cannot see. Ihre Augen sind auf, they are hearing something, but they are not hearing sie hören it. Etwas, they are not hearing it. Aber sie hören nicht das Wahrhaftige. Leurs yeux sont ouverts, mais ils ne voient pas. Leurs oreilles sont là, mais ils n'entendent pas. Mm. Praise the Lord. Alleluia. The Bible is written in parables. Die Bibel ist in Gleichnissen geschrieben. La Bible est écrite dans des paraboles. Everything in the Bible is information. Alles in der Bibel ist eine Information. And not revelation. Und keine Offenbarung. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des informations, pas des révélations. And that's why you can use the Bible as a novel. Deswegen kannst du die Bibel als einen Roman sehen. C'est pour cela que tu peux voir la Bible comme un livre normal. Without the power of the Holy Ghost, ohne Kraft des Heiligen Geistes, ist die Bibel wie jeder andere Roman einer Bücherei. Sans le Saint-Esprit, la Bible est comme un roman. The difference is the power of the Holy Ghost. Der Unterschied ist die Kraft des Heiligen Geistes. That's what made it different from others. La différence est chez le Saint-Esprit, c'est ça qui montre la différence de la Bible et les autres livres. And that's why in John 16, when Jesus was about to go. Deswegen Johannes 16, bevor Jesus gegangen ist. Dans Jean 16, avant que Jésus a quitté. He said, when the Holy Spirit is come, he will reveal me. He will reveal the Bible to you. Hat Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, will reveal all the wird er euch to you. Alles offenbaren, alles offenlegen. Jésus avait dit avant qu'il a quitté que quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui sera, c'est lui qui va nous révéler la Bible, c'est lui qui va nous montrer ce qui est écrit dans la Bible. Through the power of the Holy Spirit, you will know that what you are reading is not what I said or what I mean. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du verstehen, dass what you read, dass das, was du liest, is not what you are reading, is not what I mean. Ist nicht das, was ich meine. À travers le Saint-Esprit, tu vas comprendre que ce que tu es en train de lire, ce n'est pas ce que je dis. Amen. Amen. Through the power of the Holy Ghost, you will know that what you hear is not what I mean. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du verstehen, dass nicht das, was du hörst, das ist, was ich meine. Et par le Saint-Esprit, tu vas aussi comprendre que ce que tu attends, ce n'est pas ce que je dis. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Ephésiens 1. Verset 17. Look, Francis, let us make it verse 16 and 17. 16 and 17. It says, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Father, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. The spirit of wisdom and revelation. Der Weisheit und Offenbarung. L'esprit de sagesse et révélation. Damit wir ihn erkennen. Pour que on puisse le connaître. Knowing Christ is only through revelation you can know Christ. Nur durch Offenbarung können wir Christus erkennen. Seulement par la révélation on est capable de connaître Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you read here to the end, amen. Then if he said the eyes that look at verse 18. Auf Vers 18. Verset 18. He says, the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling. It is all through revelation, you know all this. Genau, nur durch Offenbarung werden eure Augen erleuchtet. C'est mon par révélation que votre yeux sera ouvert. Can you get it? Yeah. Just read it to the end yourself. Amen. Just praise the Lord. Lisez à la maison jusqu'à la fin. Amen. Information is what you have, what you hear, what you read here. Informationen sind das, was du hier liest. Les informations, ce sont ce que tu es en train de lire ici. Praise the Lord. Amen. Amen. When Jesus was speaking today, what they were hearing was information and not revelation. Als Jesus zu ihnen gesprochen hat, das, was sie gehört haben, war Information, nicht Offenbarung. Et quand Jésus a parlé chez les apôtres, ce qu'ils ont entendu, ce n'était pas les révélations, c'était seulement des informations. He said, but when the Holy Ghost will come, he will now help you to know the revelation of the information. Wenn der Heilige Geist kommt, wird euch dann die Offenbarung zu der Information geben, die ich euch gegeben habe. Amen. Et puis il a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous révéler les choses, bien les informations que je vous ai données. Praise the Lord. Yeah. Amen. Information is what you heard. Revelation is what I mean. Information ist das, was du gehört hast. Offenbarung ist das, was Jesus meint. Les informations, c'est ce que tu as entendu, mais les révélations, c'est ce que je pense, bien ce que Jésus dit. But you need the supernatural power to know and understand what I mean. Aber du brauchst die übernatürliche Kraft, zu verstehen, was ich meine, was Jesus meint. Deswegen ist die Kraft des Heiligen Geistes so wichtig. Mais tu as besoin de la force surnaturelle pour comprendre ce que je dis, pour comprendre ce que Jésus veut dire. C'est pour cela que le Saint-Esprit est très important. Information is not true. Weil information ist nicht Wahrheit. Car les informations, ce sont pas, c'est pas la vérité. It is the revelation that is true. Die Offenbarung ist die Wahrheit. C'est la révélation qui est la vérité. Information is flesh and blood. Weil Information ist Fleisch und Blut, Tinte und Papier. Car l'information, c'est la chair, c'est le papier ou bien les écritures. Revelation is the spirit. Aber die Offenbarung ist der Geist. Mais la révélation est l'esprit. Praise the Lord. Amen. You son, you know, before you can hear, you can get revelation, you have to first of all submit to Christ. Bevor du Offenbarung empfangen kannst, musst du dich erstmal Jesus Christus hingeben. Avant de recevoir la révélation, il faut se humilier à travers Jésus. He said it in Mark 4, where we read. Hat es in Markus 4 gesagt? Il a dit ça dans le chapitre de Marc où on a lu. He said, hearing them may hear, them will not understand. Seeing them may see, them will not perceive. He said, so that they cannot get it. Let us go there again. Mark 9. Marcus 9. Praise the Lord. Amen. Mm. He said, because without you submitting to me, you cannot have revelation. Amen. Weil ohne dich Jesus hinzugeben, kannst du keine Offenbarung haben. Sans de t'humilier à Jésus, tu seras jamais capable d'avoir la révélation. Das erinnert mich auch an diese Stelle, wo, wisst ihr noch, als ich glaube, Paulus und so oder Petrus, die haben krasse Sachen gemacht durch den Heiligen Geist. Und da war da so ein Typ, der hat gesagt, ey, kann ich euch diese Kraft abkaufen? Mm-hmm. Ich will das auch können, was ihr macht. Ne? Und haben die den verflucht, weil die gesagt haben, das funktioniert so nicht. Du musst dich erstmal Christus ergeben, bevor der Heilige Geist durch dich arbeiten kann. Mm-hmm. Du kannst diese Kraft nicht erkaufen. Ça me rappelle une histoire des apôtres quand il y avait une personne qui l'a vu qu'ils ont fait des miracles et cette personne a demandé s'il peut acheter cette puissance ou bien cette force à faire aussi des miracles et ils ont dit que ça ne marche pas ça ne marche pas comme ça et que on est verflucht. Ich glaube schon, oder? Der war sauer auf jeden Fall. Ja, der Kosten, ja. Der ist verflucht. Der sagt, you perish with your money. Ja. Amen. Oui, ils ont dit à cette personne. Verse 12 of Mark 4. Markus 4. He said, as seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted. Without Christ, there is no conversion. Mark 4, verset. You get it. Verset 12. Denn ohne Christus gibt es keine Vergebung. no conversion. Amen. You cannot. There is no revelation without Christ. Es gibt keine Offenbarung ohne Christus. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de révélation. You surrender, submit to him. Du, before you can get revelation from him. Offenbarung haben kannst von ihm. Tu dois te donner à Jésus avant que tu puisses avoir des révélations. Let me quickly give you some example of information and revelation. Ich gebe euch ein paar Beispiele für Informationen, Offenbarung. Laissez-moi vous donner des exemples des révélations et des informations. You know, Jesus even gave it to them. Jesus hat ihnen das auch gegeben. Jésus aussi leur donné. First of all, Romans 1, verse 3. Römer 1, vers 3. Le premier exemple, c'est dans Romains. Vers 3. 3. It says concerning his son, Jesus Christ, our Lord. Are we there, please? Romains 1, verset 3. 1, 3. Which was made of the seed of David, according to the flesh. You see information. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch. Das ist Information. Elle parle de son fils qui, dans son humanité, descend de David et qui était institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Ici, il parle des informations. Matthieu 22. Let's go to Matthieu 22. Matthieu 22. Et maintenant, on va sauter chez Matthieu. 42 bis 45. Matthieu 22. Verset 42 jusqu'à 45. 42 to 45. Matthieu 22. 41. Let it be 41 to 45. Praise the Lord. Hallelujah. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, because they are, for them, the Pharisee is all about information. Die Pharisäer, die geht immer nur um Information, um Fleisch und Blut, um Tinte und Papier. Da ist nichts Geistliches. Pour les pharisiens, ça s'agit toujours d'informations, de la chair. He says, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. 43. He said unto them, how then doth David in spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make your enemy your footstool. If David then call him Lord, how is he his son? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. On a lu des versets 41 jusqu'à 45. I thank God, you know, I thank, Mary, for Mary to believe that this baby is God. It's something else. Dass Maria glauben konnte, dass dieses Baby Gott ist, das konnte nur durch Offenbarung für sie klar sein. Que Marie était capable à croire que le bébé qu'il a accouché était Dieu, c'était vraiment, ça devait être vraiment une révélation du Saint-Esprit. You can see the spirit and the flesh, they are different. The spirit is salvation. The flesh can never save you. Ihr seht, Geist und Fleisch sind unterschiedlich. Geist ist Errettung, Fleisch kann dich nicht retten. Vous voyez qu'il y a un différent entre la chair et l'esprit, car l'esprit est, te sauve, mais la chair peut jamais te sauver. David called Jesus Lord. David hat Jesus Herr genannt. David a appelé Jésus Seigneur. You know, revelation go against the five senses. Offenbarung gehen gegen die fünf Sinne. La révélation est toujours contre les émotions. Revelation doesn't make sense to the natural man. Offenbarung macht keinen Sinn für den natürlichen Menschen. La révélation a jamais des logiques. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why, you know, if people want to come to Christ, you cannot come to him by reasoning. Also, wenn Leute zu Christus kommen, du kannst nicht zu Christus kommen, indem du erstmal alles über Christus verstanden hast. Du wirst dich dann für etwas anderes entscheiden, du wirst dich dann für eine Religion entscheiden, weil Religion oder na, beispielsweise Islam, das sind menschengemachte Dinge, die kann man verstehen, die kann man nachvollziehen. C'est pour cela, si on vient chez Jésus-Christ, tu peux jamais venir chez Jésus-Christ et raisonner, parce que Jésus-Christ, tout ce qui s'agit de Jésus-Christ, c'est une révélation. Et si, par exemple, tu es quelqu'un qui raisonne beaucoup, tu vas choisir la religion, parce que la religion te donne beaucoup de choses qui est raisonnable. And that's why, you know, the truth, you cannot manipulate it, but you can manipulate religion. You just form it as you want. Die Wahrheit kannst du nicht manipulieren, aber Religion, das kannst du manipulieren, die kannst du formulieren, wie du lustig bist. C'est pour cela la vérité, tu peux jamais manipuler la vérité, mais la religion, tu peux manipuler la religion. That's why Christianity, you can manipulate it. Deswegen das Christen, people just, this one preach, let us accept each other. Jeder prägt irgendetwas anderes und man akzeptiert sich einfach. Deine Option ist logisch. Deine Meinung ist gut, meine Meinung ist auch ganz nett. Akzeptieren wir einfach alles, aber das ist nicht Christus. C'est pour cela on est capable de manipuler la religion chrétienne, parce que chacun a son opinion, chacun a sa façon à voir des choses, et c'est facile. There is no private interpretation. Es gibt keine private Interpretation. Il n'y a pas interprétation privée ou bien personnelle. Das ist inakzeptabel im Königreich Gottes. Im Christentum ist das normal, das ist gang und gäbe. Jeder erklärt seine Bibel, wie er sie versteht. Aber im Christentum ist, aber im Königreich Gottes ist das nicht so. Dans la religion, c'est normal qu'il y a des interprétations personnelles, mais dans le royaume de Dieu, quelque chose comme ça, c'est interdit. Im Königreich Gottes gibt es nur einen Geist der Wahrheit. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est seulement un esprit de vérité. Information is forgive so that God will forgive you. Information ist vergebe, damit Gott dir vergibt. L'information c'est pardonne pour que Dieu peut te pardonner. Revelation is forgive because you have already been forgiven. Aber Offenbarung bedeutet, du vergibst, weil dir Jesus Christus vergeben hat. Mais la révélation est que tu es capable de pardonner car Jésus-Christ il t'a déjà pardonné. People, if people offend you, you are not forgiving them so that God will forgive you. Wenn Leute dich kränken oder verletzen, that can never save you. Damit Gott dir auch irgendwann vergibt. Das sind Informationen, die dich nicht retten. Et si quelqu'un peut-être t'a blessé ou bien il t'est mis contre toi, tu ne pardonnes pas pour que Dieu puisse te pardonner. Ça, c'est une information. Mais tu pardonnes car Dieu t'a déjà pardonné. C'est ça la révélation. Amen. Information is not freedom. Information ist nicht Freiheit. Les informations ne peuvent jamais te sauver et ça te libère jamais. It is bondage, it hardens your heart. Es ist Gefangenschaft und es verhärtet dein Herz. Tu es les informations t'y enfermé, tu es pas libre. Because the Holy Ghost is not involved. Weil der Heilige Geist ist da nicht involviert. Car le Saint-Esprit il est pas involvé. Amen. Amen. Until you submit to Christ, the Holy Ghost is not involved. Wenn wir uns Christus nicht ergeben, ist der Heilige Geist nicht involviert. Si tu t'humilies pas devant Jésus-Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas impliqué. The Holy Ghost is only work for Christ's sake and the gospel's sake and nothing else. Der Heilige Geist arbeitet nur zur Verherrlichung von Jesus Christus und seinem Evangelium und nicht zur Verherrlichung von irgendetwas anderem. Car le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit il travaille toujours pour glorifier Jésus-Christ et pas glorifier la chair. Und nicht durch die Verherrlichung von Eltern, weil man darüber nachdenkt, dass die Eltern einen das auf diese Welt geboren haben. Et le Saint-Esprit, il n'est pas là pour glorifier les parents ou bien la famille dans la chair, mais il est là pour glorifier ce qui est de Jésus-Christ. She gave birth to you, but you are going to hell without Christ. Sie hat dir das Leben geschenkt, aber she gave birth to you, cannot save you from hell. In die Hölle ohne Christus, dass sie dir das Leben gegeben hat und dich geboren hat, wird dich nicht vor der Hölle bewahren ohne Jesus. Parce que, juste seulement parce que ta mère t'as accouché, ça ne veut pas dire que tu es sauvé de l'enfer, parce que tu as besoin de Jésus-Christ et être né de nouveau pour être libéré. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta mère qui est la personne qui est ton sauveur. Praise the Lord. Amen. And another bless, so that God will bless you, is information. Genauso wie gesegnet, weil Gott, damit Gott dich segnet, ist auch Information. C'est la même chose comme béni pour que Dieu te bénisse, ça aussi c'est une information. You're blessed because you have already been blessed. Amen. Du segnest, weil du glaubst, du schon gesegnet bist. Tu bénis parce que tu sais que tu es déjà béni. Amen. Amen. You might have nothing to show for you that you are already blessed. Du hast vielleicht keinen Beweis dafür, dass du schon gesegnet bist. Peut-être tu n'as pas de preuve qui montre que tu es déjà béni. You might be blessed out of poverty. Du segnest vielleicht sogar aus der Armut. Du leistest dir sogar Geld aus, um zu segnen. To bless the house of Christ. Peut-être tu es en train de bénir et tu es pauvre, ou bien tu prêtes l'argent pour bénir la maison de Dieu. But it is revelation. Aber es ist Offenbarung. You get the revelation. Mais cet acte, c'est une révélation. Du hast es verstanden. Because you believe you are already blessed. Du glaubst, dass du schon gesegnet bist, parce unabhängig que, von dem, was du siehst. Parce que tu crois que tu es déjà béni sans regarder ce qui est en extérieur. Praise the Lord. Hallelujah. It's like if I tell you, give me 100 euro, I will give you 1,000. If you don't have, you go and borrow to give me so that I give you home. Once I give you the 1,000, you go and pay the 100. Es ist so, wie wenn ich dir sage, gib mir 100 Euro, dann gebe ich dir 1000 Euro. Selbst wenn du diese 100 nicht hättest, würdest du die irgendwo ausleihen, weil du wüsstest, du kriegst ja dann 1000 von mir, dann behältst du 100 und die Rest und die 100, die du dir. Nee, dann behältst du 900 und die 100, die du dir eben ausgeliehen hast, kannst du dann zurückgeben. Et par exemple, si je te dis que tu dois me donner 100 Euro, tu vas aller chercher quelque part pour prêter cet argent. Et si je te dis que si tu me donnes 100 euros, je vais te donner 1000 euros, tu vas chercher quelque part pour prêter cet argent parce que tu sais, quand tu me donnes 100 euros, les 900 euros qui vont rester, ça va rester pour toi. You know that you borrow to bless the house of God or to bless one another, to be there for one another. That is not true. That is what is called you get the revelation. Dass du dir Geld leihst, um das Königreich Gottes zu segnen, das machst du nicht aus Last oder aus Druck, sondern das ist eine aus Offenbarung, handelst du nach dem Glauben. Amen. Que tu bénis tes frères et sœurs ou bien l'église par prêter l'argent, cela ne veut pas dire que c'est une pression. Ça veut dire que tu as compris que tu es déjà béni, alors c'est pour cela que tu es capable aussi à bénir. Aber das Fleisch wird es als Last, als Druck ansehen. Mais la chair va prendre ça comme une pression. But Jesus is saying thank you for getting the revelation. Aber Jesus sagt danke, dass du die Offenbarung verstanden hast. Mais Jésus dit merci que tu as compris la révélation. Amen. You know, remember in the Macedonia, he said they blessed out of poverty. Oder wenn wir uns an die mazedonische Gemeinde erinnern. Die haben aus der Armut heraus haben die Paulus-Gemeinde unterstützt. Si on se rappelle de l'histoire de l'église dans la Macédoine, ils ont donné Paul l'argent, ils ont béni l'église, ils ont béni Paul malgré qu'ils étaient dans la pauvreté. Die haben sozusagen, heutzutage könnte man sagen, die haben aus ihrem Hartz IV gegeben. Then we are not on that joke. Then we are able to get the revelation. That's why Paul said, pray that this type of grace, that you also have this type of grace. Sie haben die Offenbarung verstanden und deswegen haben sie das durchgezogen. Deswegen konnte Paulus auch sagen, ey, betet dafür, dass ihr genauso mit dieser Attitude und diesem Glauben ils étaient capables à comprendre la révélation. La révélation, c'est pour cela qu'ils étaient capables aussi à bénir Paul malgré qu'ils n'avaient pas d'argent. Et c'est pour cela que Paul aussi l'a dit qu'on devait prier qu'on a cette attitude et cette grâce de bénir malgré qu'on n'a rien. Is somebody getting? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also in healing. Auch in der Gesundheit. C'est la même chose avec la santé. You believe you already healed. Du glaubst, dass du schon geheilt bist, egal welche Symptome oder Schmerzen du verspürst. Tu dois déjà croire que tu es guéri, même si tu es en train de sentir la douleur. You believe. No, you believe Christ more than you believe Christ more than the doctor. Du glaubst Christus mehr als dem Arzt. Tu crois Jésus-Christ plus que les docteurs. You know the problem might be getting bigger. Das Problem wird vielleicht größer. Même si le problème devient plus en plus. Das sind Informationen, die sich häufen zu deinem Zustand. Mais ce sont des informations qui sont en train de grandir. But what Christ said, what Christ did for you is revelation. Aber das, was Christus sagt, was er für dich getan hat, das ist Offenbarung. Mais ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus dit, c'est ça qui est la révélation. Praise the Lord. Amen. Revelation is always a result of faith. Offenbarungen sind immer ein Resultat des Glaubens. La révélation, c'est toujours le résultat de la foi. Amen. Amen. It's always a result of faith. Es ist immer ein Resultat des Glaubens. C'est toujours le résultat de la foi. You believe it in spite of what outside is saying. Wir glauben es unabhängig von dem, was da draußen passiert. Tu le crois même si la situation dit le contraire. It is always hard to believe and to understand. Es ist immer schwer, es zu glauben. C'est toujours un peu difficile de le croire. The Bible said it is impossible to believe it. Es ist, und die Bibel sagt, es ist unmöglich, es zu glauben. The Holy Ghost to believe it. Même la Bible dit que c'est impossible de le croire et c'est pour cela c'est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Information is I am going to be healed. Information ist, ich werde geheilt. L'information veut dire que je vais être guéri. That's why you are never healed. Und das ist nicht Offenbarung, deswegen erfährst du die Heilung nicht. Et ça, ce n'est pas la révélation, c'est pour cela tu vas jamais recevoir la guérison. Information is I'm going to be blessed. Information ist, dass ich werde gesegnet werden irgendwann. Information, ça veut dire que je vais être béni. Revelation is I'm already blessed. Offenbarung ist, ich bin schon gesegnet. Mais la révélation c'est que je suis déjà béni. It is, I am already healed. Ich bin schon geheilt. Je suis déjà guéri. In spite of what is outside. Unabhängig von dem, was da draußen ist. Que ça soit les situations. You know the Syrian army they were there, but you know Elisha said, he saw revelation of heaven, heavenly world, that those that be with him are more than those that be with them. Can you get it? Elijah hat eine Offenbarung gehabt, dass er wusste, dass die bei ihm sind geistlich mehr sind als die physisch vor ihm stehen. Elie avait une révélation car il savait que celui qui sont avec lui sont plus que lui, sont plus que ceux qui sont devant lui. The word of God is information. What God's word is information. La parole de Dieu c'est l'information. Like Und religiöse Lehrer gefällt diese Aussage nicht. Les maîtres religieux, ils vont pas aimer ce que je viens de dire. The word of God is information. Gottes Wort ist Information. La parole de Dieu, c'est l'information. The truth is revelation. Die Wahrheit dahinter ist Offenbarung. La vérité dans cette parole, c'est ça qui est la révélation. Jesus said in John 8, the truth will free you. Revelation will free you. In Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Offenbarung wird euch frei machen. Car Jésus, il a dit que la vérité va vous libérer. Here cannot free you until the Holy Ghost help you to get it. Das hier kann dich nicht frei machen. The word of God, but it cannot free you. Das ist das Wort Gottes, aber es kann dich nicht frei machen. Amen. La Bible, la parole de Dieu, ne peut jamais te libérer sans que le Saint-Esprit est impliqué. Ich wollte auch noch dazu sagen, weil Jesus Christus ist ja das Wort Gottes. Und als Jesus Christus hier auf Erden war, war er auch an verschiedenen Orten. Mhm. Er war vielleicht auf dem Marktplatz, er war, keine Ahnung, irgendwo in einer Menge, aber dennoch hat sich nichts geändert. Mhm. Also er war da, aber nichts hat sich geändert. Es haben sich nur Dinge geändert, wenn man an ihn geglaubt hat. Und dann haben sich Dinge, Situationen geändert. Und das ist auch so, das Wort Gottes. ist einfach Information. Information, but revelation. Aber wird, you believe that you have genau, the revelation. Es wird erst zur Offenbarung, es verändert erst, wenn du daran glaubst. Ne? Und deswegen quand Jésus-Christ était ici, il était, il était partout, il était dans un endroit. Il était dans des endroits où il y avait beaucoup de gens. Mais même là, pour vraiment croire en Jésus-Christ, ça devait être une révélation parce que les gens le voyaient, mais ce n'étaient pas tous les gens qui avaient la foi en Jésus-Christ. Et c'est la même chose parce que Jésus est la parole de Dieu, il était là sur place, mais seulement les gens qui ont cru à Jésus, c'est eux qui ont reçu la révélation qu'il était le Messie. Amen. Amen. You know, Jesus was everywhere with them. Jesus, you know, he is the word. Revelation, the book of Revelation said Jesus is the word of God. In Offenbarung steht ja, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. He was everywhere. No one was. Leute wurden nicht durch seine, nur durch seine Anwesenheit errettet, sondern erst wenn sie an ihm geglaubt haben, dann haben sie ihre Rettung empfangen. Jésus, il était partout, mais les gens n'étaient pas sauvés par sa présence, ils étaient sauvés par la foi en lui. Papa, want to say something? Yeah, okay. If you look at the configuration, mm-hmm. The configuration, that is the truth. Mm-hmm. Like you said, many did not even get this revelation. Yeah. Yeah. So that's Jesus why the inside. That's why most of the time we say Jesus is the box. Is the box. Christ is the real thing. Und es ist genauso als Jesus bei der Verklärung von Jesus, als Jesus sich seinen Jüngern gezeigt hat, das Innere gezeigt hat. Das war sozusagen Offenbarung. Er hat sich offengelegt. Er hat sich offengelegt und die Jünger haben verstanden, wer er wirklich ist, und haben das gesehen. Okay. Und Par exemple, quand Jésus était avec ses apôtres et dans sa transfiguration. Les apôtres étaient capables à reconnaître Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the truth is inside the word. Die Wahrheit ist im Wort. La vérité est dans la parole. Just like you just said, you know, the body. Der Körper is not the written, ist nicht das Wahrhaftige, das Innere. Le corps n'est pas la vérité. Jésus n'est pas la vérité, mais Christ, ce qui est en intérieur, c'est ça la vérité. For a lot of people, it's all about the outside. Pour vielen Leuten geht's um das Äußere. Car beaucoup de gens voient toujours l'extérieur. It's like, well, you know, once you pass this street, you are going up and down. You think you know this house, but you have never stepped inside. You don't know it. I know that house. Do you really know the house? Es ist wie jemand, der hier in den like those that are inside. Und immer wieder an diesem Haus vorbeigeht jeden Morgen und sagt, ja, ich kenne dieses Haus, aber kennst du das Haus wirklich? Weißt du, wie viele Zimmer hier sind? Weißt du, wo die Fenster sind? Weißt du, ob wir einen Keller haben? Also kannst du das, weißt du das alles? Oder hast du das Haus nur von außen gesehen? Und so ist es auch im Königreich Gottes. C'est comme si une personne ou bien un voisin qui habite ici, qui à chaque fois quand il passe ici, il voit la maison d'extérieur, il dit oui, je connais cette maison, mais est-ce que vraiment tu connais la maison? Est-ce que tu sais s'il y a combien de fenêtres, s'il y a combien de chambres? Est-ce que tu connais les gens qui habitent dans cette maison? C'est la même chose avec le royaume de Dieu. You know how the Lord started helping me to understand it? It's through banana. He said, if I hold banana, what am I going to eat? I said, I will peel it before I eat it. He said, then. He said, the outside is not the written, the inside is the food. Und der Heilige Geist hat mir das damals mit einer Banane erklärt. Er hat immer gesagt, wenn du eine Banane essen möchtest, wie gehst du vor? Er hat gesagt, ja, habe ich gesagt, ja, ich schäle die erstmal und dann esse ich die. Er hat gesagt, ja, genau, das Innere ist das Wahrhaftige, nicht die Schale, nicht die isst du, nicht die wird dich nähren, sondern das Innere ist deine Nahrung. Et le Saint-Esprit à l'époque, il m'a expliqué ça avec une banane. Et il a dit que c'est comme une banane. Avant que tu manges le banane, tu dois épiler la, tu dois enlever la peau, éplucher. Et ce qui est dedans, le banane, c'est ça que tu vas manger. But the outside is also banana. But you don't eat it. You get it. Thank you. L'extérieur c'est une banane, mais tu ne manges pas. Genau, das Äußere ist auch schon eine Banane. Du würdest ja nicht sagen, das sind keine Bananen, sondern das sind auch, ist auch eine Banane. Aber dennoch isst du das Innere. It is like a gift. Es ist wie ein Geschenk. You know, the box is not the gift. The gift is inside the box. Die Verpackung, die Box, inside the carton. Egal wie schön diese Box ist, egal wie schön, more beautiful than the gift. Diese Verpackung, selbst wenn sie sogar schöner ist als das Innere, ist das nicht das wahrhafte Geschenk, sondern das wahrhafte Geschenk ist das, was drin ist. Das Äußere schmeißt du weg, oder? C'est comme un cadeau, quand tu recevras un cadeau, le vrai cadeau c'est en intérieur, c'est pas ce qui est en extérieur. Même si le cadeau en extérieur c'est tellement beau que tu veux le garder, mais à la fin tu vas jeter le paquet, tu vas garder le cadeau qui est dedans. And that's why you don't embrace information, you embrace revelation. Amen. You don't embrace the carton, you embrace the gift. Deswegen akzeptierst du nicht das Äußere, sondern das Innere. Du akzeptierst nicht die Geschenkbox, sondern das Geschenk innen drin. C'est pour cela que tu n'acceptes pas le carton ou le cadeau qui est en extérieur, mais tu acceptes ce qui est dedans, le vrai cadeau. Revelation is God revealing himself to you. Offenbarung bedeutet, Gott legt sich dir offen. Révélation, ça veut dire que Dieu même se révèle à toi. Amen. You know, John, in Matthew 16. Matthew 16. He said, my father revealed this to you and not flesh and blood. Mm-hmm. Da hat Jesus zu Petrus gesagt, so, das, was du mir gesagt hast, das hat dir mein Vater offengelegt. Das kommt nicht von Menschen. Dans cet chapitre, Jésus a dit à Pierre, c'est mon père qui t'a révélé, parce que ça ne vient pas de ta chair. Jesus did not tell us that Bible revealed the Bible. Jesus hat nicht gesagt, die Bibel offenbart die Bibel. Jésus n'a jamais dit que la Bible révèle. He said the Holy Ghost revealed the Bible. Er hat gesagt, der Heilige Geist offenbart die Bibel. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui va révéler la Bible. Are you getting it? The Bible revealed the Bible. There's no, that is a big lie. Das ist eine große Lüge, aber c'est viele Leute sagen das. That's what they say. Because they cannot hear from the Holy Ghost. Weil sie nicht vom Heiligen Geist hören. They refuse to submit to Jesus. Parce qu'ils sont pas capables à attendre le Saint-Esprit parce que oui, ils ont rejeté de s'humilier à Jésus-Christ. Because for them it's still about them. It is still about them. Until it is all about Christ, you cannot get the revelation. Weil erst wenn es nur um Christus geht, wirst du die Offenbarung erkennen, du wirst den Heiligen Geist hören. Seulement si ça s'agit de Jésus-Christ seul et pas de la chair, pas de toi-même, c'est là que tu es capable à attendre le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Remember John 16, he said the Holy Ghost will reveal the Bible to us, and not the Bible will reveal the Bible. Amen. In Johannes 16 lesen wir auch, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit auf das Wort offenbaren wird, aber nicht die Bibel selbst, die Bibel. Dans Jean 16, il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la parole de Dieu et pas la Bible qui va nous révéler la Bible. Christianity is about the Bible revealing the Bible. Aber im Christentum geht es darum, dass die Bibel offenbart. Mais dans la religion chrétienne, ça s'agit que la Bible va nous révéler la Bible. It is about the flesh. Es geht um das Fleisch. Ça s'agit toujours de la chair. Amen. It is about the word of God. Es geht um das Wort Gottes. Ça s'agit de la parole de Dieu, mais pas de la vérité. It is about the flesh and not the spirit. Es geht um das Fleisch und nicht um den Geist. Ça s'agit de la chair, mais pas de l'esprit. It's about the outside and not the inside. Es geht um das Äußere, aber nicht um das Innere. Ça s'agit de l'extérieur et pas de l'intérieur. Das ist das Christentum. They see what you are wearing, the trousers, was you are wearing, dress. You are not, you are painting. Was they never see the Christ. Sie sehen, they are so blind. Sind so blind. Car la religion voit seulement ce qui est en extérieur, comment tu t'habilles, comment tu parles, et bien des choses que tu fais. Ils sont vraiment aveugles. Christ's kingdom is about the inside. Aber im Königreich von Christus geht es um das Innere, um die Wurzel aller Dinge. Mais dans le royaume de Christ, ça s'agit du racine, ça s'agit de l'esprit. It is about the revelation, the truth. Die Offenbarung, die Wahrheit. Ça s'agit de révélation, de la vérité. It is about revelation, not information. It's about the truth and not the words. Es geht um die Offenbarung und nicht um die Information. Es geht um das Ça s'agit de révélation et pas des informations. Ça s'agit de la vérité et pas de la parole. Remember, Paul was not one of his disciples. War nicht einer der Jünger von Jesus. Si vous vous rappelez, Paul n'était pas un apôtre de Jésus. But Peter praised what Paul wrote. Aber Petrus hat das gefeiert, was Paulus geschrieben hat. Amen. Pierre a aimé ce que Paul a écrit. Okay, the time has come. Go to 2 Peter. Zweiter Petrus. Deuxième Pierre. 2 Peter. 3. 2. Petrus 3. 2. Pierre 3. 2. Petrus 3. Vers 15 und 16. 15 und 16. Gens et 16. Oh, sorry. Okay. An account that the long suffering of the Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, have written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scripture unto their own destruction. Praise the Lord. Nächstes Kurs, das ist wichtig. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Praise the Lord. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a fait comme dans toutes ses lettres où il a abordé ces sujets. Certes, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affirmées déformant les sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. No one can know Christ physically. It is only through revelation you can know him. Niemand kann Christus physisch erkennen, nur durch Offenbarung erkennen wir ihn. Personne ne peut reconnaître Jésus physiquement, seulement par le Saint-Esprit, par révélation. Remember John 14. Erinnert euch an Johannes 14. Zeig uns deinen Vater. Rappelez-vous Jean 14. Seigneur, montre-nous le Père. You are not the Father. Physiquement, les apôtres pouvaient voir que Jésus n'était pas le Père quand ils ont demandé cette they question. Could not know him. Sie konnten ihn nicht sehen. Ils n'étaient pas capables de le reconnaître. Amen. Amen. You know, the message here, naturally no man can get it. Die Botschaft hier, ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird es niemand verstehen. Es ist schwer zu verstehen. Le message ici, sans le Saint-Esprit, c'est difficile à le comprendre. Amen. That Christ is your mother. Honor Christ and not your mother. Dass du Christus ehren sollst, nicht deine Mutter. Das kann niemand nachvollziehen. Que tu dois honorer Jésus-Christ et pas ta mère ou bien ton père. Tu peux jamais le comprendre sans le Saint-Esprit, sans révélation. Das provoziert Leute, das verärgert sie. Parce que c'est capable à provoquer les gens. Parents will not like it. Eltern wird das nicht gefallen. Les parents, ils vont pas aimer ce que... But it is for their uncle. Aber es ist sie zu retten. Mais c'est pour leur bon. Imagine if your son, your daughter, love you with the love of Jesus Christ. Stell dir mal vor, dein Sohn oder deine Tochter liebt dich mit der Liebe von Jesus. Imagine-toi que ton enfant il t'aime avec l'amour de Jésus-Christ. There's no end to that love. Diese Liebe kennt kein Ende. Amen. Il a jamais le fin de cet amour. Are you getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if Christ is number one in your son's life, it means your son loves you so much. He submits you to Christ to take care of you. Amen. That's the meaning. Wenn Christus die Nummer eins im Leben deines Sohnes ist, bedeutet das, dass dein Sohn dich liebt. And not you, the mother or the father. Weil dich Jesus übergeben hat. Que ton fils aime en Jésus-Christ, ou bien que ta fille aime en Jésus-Christ, là veut dire qu'il t'a rendu à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in this church, if you might even spend 10 years here, without submitting to Christ, you cannot get anything. Bist du vielleicht 10 Jahre, kannst du hier zur Gemeinde gehen, aber ohne dich Christus zu ergeben, wirst du nichts empfangen. Et si tu peux vivre même 10 ans, mais si tu ne te rends pas en Jésus-Christ, tu ne te donnes pas en Jésus-Christ, tu ne vas rien recevoir, tu ne vas rien comprendre. That's why Jesus said the first shall be the last and the last shall be the first. Like somebody that is just coming today, we submit to Christ and no more than you. And more be getting the revelation more than you that will be here 10 years, yeah. 12 years. Because you refuse to submit. Ja, und eine Person, die dann nur heute wiedergeboren worden ist, kann dann auf einmal befreit werden, kann auf einmal in dieser Offenbarung des Herrn leben. Weil du saßt vielleicht 10 Jahre neben Jesus, aber diese Person hat am ersten Tag direkt eine Beziehung mit Jesus geführt und hat sich Jesus Christus dementsprechend auch hingegeben. Deswegen, es gibt keinen, wer länger da ist im Königreich Gottes. Es geht nicht um Zeit. C'est pour cela que quelqu'un peut venir aujourd'hui et être né de nouveau. Il sera plus capable à vivre la vie en Christ avec des révélations que quelqu'un qui est ici déjà depuis 10 ans. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la révélation, ça ne s'agit pas des temps, combien de temps tu es déjà avec Jésus. Ça s'agit que tu te donnes en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Still want to say something? Yeah, we'll continue to pray that even the little we know after 10 years, because the Bible says even the little you have can even be taken away from you. So, praise the Lord. Papa dit qu'on prie que même le petit qu'on a, que le diable que nous prend pas ce qu'on a, parce que même le petit peut être ce qui peut nous sauver à la fin. Yeah, it's true, but because the little you know can still help you to even still continue. Yeah, weil das Christ. Kleine, was du weißt, that it is able to still help you to continue. Kann dir helfen, you have to be grateful. Bleiben. Das Kleine, was du weißt, kann dir helfen, genau. Kann dir helfen, in Christus zu bleiben. Aber wir sollen aufpassen, dass wir das nicht aufverlieren, weil der Teufel wird auch hinter diesem Kleinen sein. Er wird hinter allem sein, was an der Wahrheit hält. Egal wie klein oder wie schmal, wie dünn dieses Seil ist, was sich an der Wahrheit hält. Wenn es sich an der Wahrheit hält, wird es angreifen. C'est pour cela, c'est très important de vraiment de garder ça comme un trésor, parce que le diable est toujours derrière de ce petit que tu as, cette petite qui te tient encore en crise. Alors c'est pour cela, c'est vraiment très important de même le petit que tu as de vraiment laisser Christ de protéger ça. It takes the supernatural power too. To know Christ. Es braucht die übernatürliche Kraft, um Christus zu erkennen. Amen. Oui, on a besoin de la puissance surnaturelle de reconnaître. What you know is not normal. What you believe is not normal. Was du weißt, ist nicht normal. Was du glaubst, ist nicht normal. Ce que tu sais, ce n'est pas normal. Ce que tu crois, ce n'est pas normal. It takes another power to believe it. Es braucht eine andere Kraft, um das zu glauben. Es wirst du es nicht glauben können. Il a besoin d'une autre puissance pour croire à ce que tu as. It takes the supernatural power to know what you know and believe what you believe today. Es braucht eine übernatürliche Kraft, Christus selbst, um das zu glauben, was du heute glaubst, und das zu wissen, was du heute weißt. Il a besoin d'une puissance surnaturelle de savoir ou bien de connaître ce que tu crois aujourd'hui. Again, John 16. We will not go there. Amen. Jesus said it will take the supernatural power for you. Johannes 16 sagt Jesus, es wird übernatürliche Kraft brauchen, damit ihr mich erkennt. Without him you cannot know me. Ohne Geist der Wahrheit werdet ihr mich nicht erkennen. Jésus a dit dans Jean qu'il a besoin d'une puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour me reconnaître, pour savoir qui je suis. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, to even know that Christ is God, is revelation. Zu wissen, dass Christus Gott ist, ist Offenbarung. De savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est une révélation. It is not just saying it is believing it. Es geht nicht um das zu sagen. To say it and to believe es it are glauben, weil es zu sagen und es zu glauben sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ce n'est pas seulement de le dire, mais c'est seulement aussi de le croire, parce que de le dire et de le croire, ce sont deux choses différentes. If you believe, you will submit to him. Wenn du es glaubst, wirst du dich ihm ergeben. Car si tu le crois, tu vas te humilier à Jésus-Christ. Allah say it, but they never believe it. Mais viele glauben es, aber ergeben sich nicht. They cannot live it. Car beaucoup le disent, mais ils ne croient pas. Religion, you know, some say it. Jesus is God. Einige sagen es gleichwertig. Jesus ist Gott, ja. Il y a certains dans les religions qui disent, oui, Jésus est Dieu, mais ils ne croient pas. Aber sie glauben es nicht. You know, know Christ's kingdom, you know, to be in Christ's kingdom, you are to believe it. That is how you are there. I'm not just saying it, but you believe. Du sagst es nicht nur, sondern du glaubst es in deinem Herzen. Être dans le royaume de Dieu, c'est par la foi. C'est pas seulement de le dire, mais tu dois le croire pour être dans le royaume de Dieu. To think and to know are two different things. Zu denken und zu glauben ist auch nicht gleich. To think so and to know so. Also etwas zu denken und etwas zu wissen ist auch nicht das gleiche. De penser quelque chose et de savoir quelque chose, ce sont deux choses différentes. Let me quickly add this, then we close. Amen? Amen. You know, for Christ to come to you for help, it should be a privilege. Dass Christus dir hilft. No. Nein. For Christ to come to you and ask for your help. Ach so, dass Christus zu dir kommt und dich um deine Hilfe bittet, ist ein Privileg. It's a privilege. Que Jésus-Christ vient chez toi pour demander l'aide, c'est un privilège. And not a body. Und keine Last. Et pas une pression. Are you getting it? Mm. But we never believe it's Christ that is coming, that asks us for help. And we glaub, that's why we see it. We believe. We not see it as a body. Der unsere Hilfe bittet, sondern wir sehen, dass es Menschen sind. Und dann sehen wir es als Last, als Druck. Que Jésus-Christ vient pour nous demander de lui aider. On n'est pas capable à le voir parce qu'on voit l'extérieur, on voit les gens, on voit les frères et sœurs en extérieur. For Christ to help, to ask you for a help. Help me. Dass Christus dich um Hilfe bitte, das ist ein Privileg. It should be for you. Que Jésus-Christ vient pour te demander l'aide, c'est un privilège. I'm not a joke, I'm not eine Last. C'est pas une pression. For Christ's children to come to you for help. Dass Christus, dass Kinder Gottes zu dir kommen und mich um Hilfe bitten. A true victory for ist ein wahrhaftiger Erfolg für dich. Que les enfants de Dieu viennent chez toi pour demander l'aide, c'est une victoire. Are you getting it? Amen. It's really a victory for you. Das ist ein Erfolg für dich. C'est une victoire. Even Old Testament. Mit dem Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. Elijah to the widow woman. Elijah und die Witwe. Are you getting it? Elie et la veuve. It was a big victory for that woman. But Elijah came for her. C'était une victoire pour cette femme, mais Elie il était venu pour avoir de l'aide. Obwohl Elijah sie um Hilfe gebeten hat. The problem is we don't see Christ. Das Problem ist, we wir sehen people in dieser coming for help. Bitte in dieser Hilfestellung nicht Christus, sondern Menschen. Le problème c'est que on ne voit pas Jésus-Christ, mais on voit des hommes. It is revelation to see Christ, to see that it is Christ coming for help. C'est une offenbarung darin Christus zu sehen. Not people coming. C'est une révélation de voir que c'est Jésus-Christ qui vient pour chercher l'aide et pas des hommes. Your coming to this house is a privilege. Dass du zu diesem Haus kommst, ist ein Privileg. I see. That is not a joke for me. Pour cette maison, c'est un privilège. We love it. Because you see, because it is like Jesus coming to me. Anna, kannst du pressure sagen, damit die Leute in Nigeria auch wissen, was du meinst? Weil die verstehen nicht, was Druck heißt. Okay, pressure, okay. Yeah, I always forget it. The top is the same. Pressure, okay. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we are never under pressure. Wir sind niemals unter Druck. On n'est jamais en sous de pression. In this house. In diesem Haus. Dans cette maison. We see it as God's children, as Christ here with us. Wir sehen es als Christus, der hier mit uns ist. On voit ça comme Jésus qui est entre nous, que la présence de Jésus est avec nous. C'est pour ça qu'on est toujours dans la joie. Es ist ein Privileg, dass Jesus zu Besuch kommt, dass Jesus hier übernachtet, dass Jesus mit dir ist. Das ist ein Privileg. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder I said, let my house be full. Kein Wunder, dass er sagt, lass because mein Haus voll sein. Denn mein Haus soll voll c'est sein. C'est pour cela qu'il dit que laissez ma maison être plein. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's not a pressure for us. We see it as God's children choosing Christ. Wir sehen es als Kinder Gottes, die sich für Christus entscheiden, wenn die Kinder Gottes hier in diesem Haus sind. C'est jamais une pression pour nous dans cette maison s'il y a des enfants de Dieu qui sont ici parce qu'on voit ça comme Jésus qui vient pour nous visiter. And that's why, you know, when God's children come to you for help, when the ministry asks you for help, you should be grateful. Wenn Gemeinde zu dir kommt, that Jesus is saying, help me. Dann if you can see it and that it, this is Christ, Jesus, you will rejoice and dance samba. C'est pour cela si les frères et sœurs ou bien l'église vient chez toi pour chercher l'aide ou bien pour demander l'aide, tu devais voir ça comme comme victoire. Tu devais voir ça comme quelque chose de bien parce que c'est Jésus qui te demande pour être là pour ce pour ses enfants, pour tes frères et sœurs. Let us learn to see Christ. Lass uns lernen, Christus zu sehen. Laissez-nous apprendre de voir seulement Jésus-Christ. Amen. Amen. Especially when it comes to God's children. Besonders wenn es Kinder Gottes geht. Spécialement si c'est si ça s'agit des enfants. I have been learning it a lot. And I please everybody learn it. Lernt es bitte auch. Moi aussi je devais l'apprendre et vous aussi vous devez l'apprendre. Ah, let me stop here. Amen. Amen. We'll continue on from here on Wednesday. Amen. Am Mittwoch geht's weiter.